En Corée, le secteur du bâtiment prévoit d'introduire largement du robot de polissage intellectuel qu'il a mis au point. Le robot mobile polit le sol à la place des travaux manuels. Il peut être manipulé sur télécommande. Le nouveau robot de polissage intellectuel accomplit des travaux difficiles par la haute efficacité tout en surmontant les reliefs compliqués.